Le méchant, il est là, hein, au milieu. Là. Le méchant, c'est lui. Non, non, c'est lui. C'est là le méchant. C'est lui. C'est lui. Ça, et d'ailleurs, tu sais quoi, ouais. Tu vas le constater tout de suite. Voici Guillermo. Salut les amigos. Salut. Bon, bah, je vous dirais bien que ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être là, quoi. Bah oui, ça fait plaisir. Évidemment que ça fait plaisir. Mais là, j'ai l'impression d'être dans le camp d'entraînement d'Al-Qaïda, quoi. Non. Parce que pour un Belge, ici, on est sur un level de traîtrise. Moi, je risque la déchéance de nationalité, hein. Franchement, de ta Clairefontaine, je vais rentrer, je vais me faire bifler par une nation entière. Tu vas voir, je vais revenir endommagé dans l'émission. Après, tant mieux, j'ai enfin pu voir comment fonctionne Clairefontaine. C'est formidable, le centre d'entraînement de l'équipe de France et tout. On m'a montré notamment la salle de dopage et tout. Magnifique. C'est une très bonne idée d'avoir mis ça dans une écurie et tout. C'est super bien, franchement. Comme ça, s'il en reste, ça peut servir à un cheval, quoi. C'est vraiment bien. On comprend comment la France finalement construit son succès, c'est beau. J'ai croisé l'arbitre de la finale aussi, franchement. Quel mauvais choix. Ah, vous l'avez mis bien, le salaud, hein. Vous l'avez mis bien. Ouais, je l'ai fait, vous n'arbitrez plus. Il m'a dit, ah ouais, non, c'est difficile avec une si grosse montre de courir, vraiment. Je lui fais profiter bien, c'est vos quatre filles, là. Il m'a dit, ouais, on va dire ça. Et vraiment, c'est génial de voir les rouages. Quel salaud. C'est génial de voir les rouages du. Ah, mais c'est une belle machine ici. Moi, le camp d'entraînement de l'équipe belge, je peux vous dire à côté, ça fait genre du voyage. Hein. Franchement, enfin, tu sais quoi. Je sais pas le même guerre. Franchement, c'est quatre terrains tout claqués là au bord d'une voie de chemin de fer. Mais c'est pour ça qu'on aime tant la possession en Belgique. Hein. Si tu perds le ballon, il se fait écraser par un train. Tu vois, forcément. Ici, c'est pas pareil. C'est normal. Ici, c'est normal. Vous savez, sur une philosophie défensive, il y a des bois partout. Les joueurs, ils ont peur des sangliers. Tu vois, du coup, ils se regroupent comme ça. Franchement, il y a un truc qui se regroupe derrière. C'est pour ça qu'une petite île a sauté si haut le jour de la finale. Hey, y a un marcassin. C'est pour ça. Que... N'importe quoi. Mais moi, ça me saoule de parler de ça. Franchement, ça me saoule. La Coupe du Monde, c'était derrière moi. C'est quoi? Je me suis dit, Ernest, fils d'un arbre à fruits. Je me suis dit, tu veux passer à autre chose. Vraiment, j'y pensais plus du tout. Et mais c'est Nagui, il a insisté. Il a dit, il faut qu'il soit là, le Belge. Il faut qu'il soit là. Ouais, il faut qu'il soit là. Je veux que tu souffres. C'est quoi? Nagui m'a pris pour François Pignon. Franchement, en fait, il s'est dit, c'est quoi? Je vais organiser un petit dîner de con ici, bien au calme. Je vais amener un Belge. On va bien se foutre de sa gueule. Franchement, ah ben, ça tombe bien. Je suis collectionneur aussi, moi aussi. Je collectionne les dents de Patrick Battiston. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà. Moi aussi, je peux sentir les dossiers qui sentent le cul. Y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, je propose que la prochaine émission dédiée à notre amour de l'équipe de France, on la fasse dans un bus en Afrique du Sud. Ah, ah non, je demanderai à Nicolas Anelka qui coécrive mon texte. Y a pas de problème. Moi, j'y pensais plus à la Coupe du Monde. Franchement, mais là, en tant qu'affaire, c'est quoi? Parlons-en de la Coupe du Monde. Moi, j'ai vu une photo sur Instagram où il y a Didier Deschamps sur un yacht. Hein, avec Nagui et même Leïla. Oh, et ils brandissent le trophée comme ça, non, vraiment en maillot de bain. C'est vous dire à quel point ils respectent la Coupe du Monde. Vraiment, ils sont en maillot de bain. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être sur un yacht. Hein. J'ai déjà vu comment on traitait les gens. J'imagine même pas comment on traite les bibelots. Franchement, là, je suis sûr que votre vieille Coupe du Monde fatiguée, là maintenant, elle est dans un placard de bateau à côté d'une fusée de détresse et d'un bidon d'essence. Sérieux, 9 chances sur 10, elle va finir sur la cheminée d'un matelot. Dans 3 ans, on va vous faire Didier, elle est où la Coupe du Monde? Enfin, bah, je sais pas, la dernière fois, j'ai vu Nagui avec. Il l'a mise près du minibar. Moi, bon, s'il était près du minibar, il y a un peu de chance que Leïla l'ait prise avec. C'est surtout Leïla. Ouais, mais c'est normal que vous la traitiez mal cette Coupe du Monde, parce qu'au fond de vous, franchement, au fond de vous, vous savez que vous la méritez pas vraiment. Mais tu t'en étais là. C'est quoi? Fou. Après la finale, le football est devenu moins populaire que le pentathlon. Enfin, franchement, il y a moins de 17 millions d'affiliés mais dans le monde. Mais t'es fou, mon mec. Mais moi, un jour, qui sait, on fera cette émission dans le centre d'entraînement belge. Jamais. Qui sait? Écoute-moi bien. Regarde-moi bien. Jamais. Mais je serais ravi qu'à cette occasion, c'est vous qui puissiez nous tailler à nous. Yes. À dans 3 ans, les amis. On est champion du monde. Je suis content. Pardon, Nagui. Non, j'en peux plus. Il a croisé l'arbitre de la finale, tant qu'il n'a pas croisé l'arbitre de la demi-finale. Et boum.